Radio Sanganilo, 17h passé de 4 minutes, l'homme propose et la technique dispose. C'est comme ça, mais nous voilà enfin de retour avec l'émission Forum Jeune de ce lundi. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute. Au micro, vous êtes avec moi, Pacifique Chubairo. Vous êtes jeune, probablement qu'un jour vous voudriez vous marier, mais la peur vous hante et vous ne savez pas quand et surtout comment affronter cette étape de la vie. Beaucoup de peurs liées aux aspects plus profonds, que ce soit au niveau des finances, au niveau de la charge émotionnelle et psychologique. Vous raisonnez à plusieurs reprises pour prendre cette grande décision. Mais qu'est-ce qui est derrière cette peur de vouloir se marier, de vouloir vous engager dans un mariage? Et vous savez bien que le mariage, c'est pour la vie en principe. Et vous avez plusieurs raisons d'avoir peur, mais aujourd'hui nous sommes avec un seul invité pour nous expliquer d'où vient cette peur, mais surtout comment la vaincre. Nous sommes avec Bénine Daïchimié, conseiller conjugal et sexologue. Avant tout, bonjour et bienvenue dans l'émission Forum Jeune. Bonjour, je suis très heureux d'être là, merci de l'invitation. Et puis je crois que c'est toujours un plaisir d'être ici. Voilà. Les studios vous sont vraiment habitués. Oui, Sanganilo. Surtout avec Isanganilo. Je dirais que c'est un plaisir partagé. En tout cas, on ne finira pas de vous remercier pour votre ponctualité, surtout votre disponibilité afin d'évoquer certaines, d'échanger sur certaines questions qui touchent les jeunes et en termes de sexualité, en termes de vie conjugale. En tout cas, merci pour avoir été des nôtres aujourd'hui dans cette émission. Et nous profitons de l'occasion pour donner la parole aux jeunes qui voudraient bien la prendre. Ils peuvent téléphoner au 76 083 933. À la technique, c'est Jean-Dodien Daïsenga. Il peut être prêt avec le numéro WhatsApp. S'il y a quelqu'un qui voudrait bien utiliser le numéro WhatsApp, c'est également avec ce numéro. Vous pouvez également nous appeler sur 22 24 66 02 ou 22 25 43 75. Et dans quelques instants, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Crazy it could be, paper babies talk. Take it easy. Can you leave? I swear I can't breathe. C'est l'artiste Mehdi qui nous parle de la chanson. Ici, c'est slowly. À mariage, on peut faire doucement. Surtout ça. Doucement. Là, tu viens de taper sur le mot. Il faut faire doucement. Alors, comme tu as parlé des histoires de peur à s'engager qui s'observent aujourd'hui dans le secteur des jeunes, c'est très. Je commence à avoir peur. Que la vitesse de propagation de cette peur commence à atteindre beaucoup de jeunes. Mais on va parler d'une façon un peu distinctive. Mmh. Donc, chez les garçons, je crois que la cause de cette peur peut être interne ou externe. Ça, c'est la première chose. Alors, pour des causes internes, il y a des garçons dont ils ont un problème, ça veut dire purement canalisé sur l'aspect psychologique. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des garçons où ils ont peur de s'engager parce que dans leur contexte psychologique, ils ont une mauvaise image de mariage. Tu vois, ils ont construit un peu. Mais la mauvaise image qui vient d'où? Ça veut dire qui voit, il y a la peur de responsabilité, tu vois. Mmh. Il y a la peur d'avoir ces histoires d'enfants, tu vois. Il y a la peur de gérer la femme. Mmh. Il y a aussi ce qu'ils voient à gauche, à droite, des femmes qui trompent leur mari, tu vois. Et il dit, et moi aussi, je serais comme ça. Il y a des divorces qu'il observe dans sa famille, tu vois. Il y a des causes un peu partout qui peuvent provoquer cet aspect de diabolisme de mariage. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et puis, la deuxième chose, c'est quoi? Il y a des garçons qui sont bloqués psychologiquement en développant ce contexte de pauvreté que nous vivons dans notre pays. Surtout le mental. Le mental, exactement. Mmh. Écoute, je suis pauvre, je ne sais pas encore, je cherche la vie. Tu vois, je ne peux pas adopter une fille, avoir une fille alors que je n'ai pas d'argent. Tu vois, j'ai toujours projeté des garçons. Quel est le budget initial pour faire le mariage? Des fois, on parle de mariage et en nous situant seulement du côté garçon, comme si c'est l'homme qui doit décider, qui doit du mariage. Décider du mariage. Et du côté de la femme. Voilà, et ça, c'est une déviation de décision. Mmh. Parce que l'homme décide d'aimer une femme, mais la décision de mariage, c'est commune. C'est commune. Là, ça, c'est un aspect un peu purement psychologique chez l'homme. Mais aussi, on observe chez émotionnellement, ça veut dire qu'il y a des garçons qui sont blessés dans leurs relations. Il y a des garçons qui ont essayé des relations, mais que les filles les ont blessés. Et c'est fini. Il va tout discriminer dans son cœur d'aimer les filles. Ce sont des garçons qui développent la solitude. Ce sont des garçons qui aiment même l'alcoolisme. Ça veut dire toute l'émotion qui devait être orientée chez la fille, ça s'oriente à l'alcool, tout qu'on sort. Alors, ça, c'est aussi du côté émotionnel qui est des causes internes qui causent pour les garçons. Alors, aussi, il y a des causes que je dirais sexuelles. Des garçons qui ont, une dépendance sexuelle. Des garçons qui ont même, une obsession même sexuelle. Qui ne peuvent pas choisir un seul partenaire pour la vie. Ils sont obsédés. Ils voient que chez la fille, c'est le sexe, c'est point barre. Tu vois, je donne de l'argent, je me donne du sexe, c'est clair. Il n'y a pas des histoires de vie, il n'y a pas des histoires d'engagement, de partage, ça. Il y a des garçons qui sont comme ça. Et là, il y a tout un arsenal de causes qui impliquent que le garçon ne se décide pas à faire le mariage, qui développe cette forme de peur, cette forme de non-volonté même, tu vois, qui cette forme de manque de motivation et à faire une vie avec une femme. Alors là, c'est pour les garçons. Mmh. Mais pour les filles, alors, pour les filles, c'est tout ça à fait devient différent. Autre chose. Exactement. Pour les filles, du côté psychologique, il y a des filles qui développent un peu, je dirais, un idéal qui est au-delà de ce qu'elles ont. Tu vois ? Et elle veut s'enrichir chez le garçon. Mmh. Il y a des filles qui disent, moi, je dois qui avoir... Qui attendent toujours un garçon. Exactement, oui. Il y a des filles qui ont déjà construit que je dois avoir un garçon qui a de l'argent. Tu vois, elles ne s'impliquent pas à chercher de l'argent elles-mêmes, mais elles veulent des garçons qui ont de l'argent. C'est comme si elles veulent gagner sa vie dans l'homme. Mm-hmm. Là, c'est plus même une déviation des objectifs de mariage. Parce que dans le mariage, on cherche ensemble. On cherche ensemble. Alors, ça, c'est la première chose. Et aussi, il y a des filles qui ont vraiment, tu vois, les filles sont animées un peu du conformisme. Mm-hmm. Ça veut dire, ils voient à gauche, à droite, moi aussi, je veux que ça soit comme ça, comme ça. Mm-hmm. Il voit sa grande sœur, son mari les trompe matin, midi, soir. Sa cousine, elle est divorcée, tu vois. Et là, elle dit, et moi, où est-ce que je vais faire? On ne peut pas mener sa vie comme si on vivait sur une île. Exactement, oui. On doit considérer ce qui se passe, ce qui se passe à l'extérieur. Mmh. Mais il n'y a nulle part qui est écrit que toi, tu feras la même vie que celle des autres. Pourquoi ne pas positiver une situation négative? Voilà, pourquoi aussi ne pas tirer ni leçon dans une situation négative? Mmh. Voilà, et ça, c'est aussi une petitesse psychologique qui s'observe chez les filles. Alors, émotionnellement, il y a des filles aussi qui sont blessées par les garçons. Là, ça s'observe. Mmh. Il y a des filles qui se sont données à des garçons avec tout amour. Mais il y a un petit détail qui est là. Quand un garçon couche avec une fille, le garçon peut coucher avec 80 filles sans amour. Mais une fille qui accepte à coucher avec un garçon, c'est avec amour. Mais il y a des filles finalement qui ont vu, je lui ai donné tout. Je lui ai donné tout mon amour, tout mon corps. Même si quelqu'un viendrait après, exact, je n'ai plus exact. Un amour à offrir. Voilà, elle est blessée et elle fait ce qu'on appelle la projection. Elle généralise, tu vois, elle généralise et elle dit tous les garçons sont comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, mais aussi, d'autres causes qui sont là, ce sont des filles qui ne croient pas à elle-même. Et là aussi, il y a des garçons qui ne croient pas en lui-même, tu vois, qui dit, je suis capable, je vais m'engager. Écoute, chaque engagement, c'est un risque à prendre. Mmh. Il n'y a pas d'engagement qui dit, tout est bleu, tout est blanc, tu vois, mais c'est un risque à prendre. Il y a finalement le manque de prendre un risque pour un bien. Mais les gens prennent des risques pour le mal. Mais prendre un risque pour le mariage, c'est quelque chose de bien. Et ça, parfois, ça réussit. Alors, là, c'est côté, je dirais... Qu'est-ce que le mariage a de bien? Voilà, d'abord, ça c'est une très bonne question, je crois que... Surtout parce qu'il y a d'autres qui donnent une autre définition du mariage, côté négatif. Et ici, dans notre société, la société burundaise, d'emblée, elle est toujours favorable au mariage. Oui. Mais au niveau, je peux dire, technique, Oui, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien dans le mariage? Alors, d'abord, ça veut dire le mariage au niveau de l'identité, ça change, l'identité personnelle. Quand tu deviens un mari ou une femme, tu as une sorte de considération qui s'augmente dans la société. Est-ce que ce n'est pas un Burundais qui nous parle ici? Ça, on parle de la culture, du contenu de la culture, bien sûr. Mais scientifiquement parlant, d'une façon très conjugale, je dirais bien, le mariage, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est inné dans les veines de quelqu'un. Et c'est valable aussi pour toutes les sociétés? Non, c'est valable pour, je dirais, peut-être valable pour toutes les sociétés, mais pas pour toutes les personnes. Mm-hmm. Voilà, pour toutes les sociétés, on voit que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Mm-hmm. Partout dans les pays, c'est seulement qu'en Europe, aujourd'hui, ça change, mais partout dans tous les pays, le mariage, c'est quelque chose de sacré, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique ou en Asie. Mm-hmm. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. C'est dans les cultures, sans toutefois parler des histoires de divinité, mm-hmm. mais dans les cultures, le mariage, dans la science et l'histoire, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Alors, mais selon les personnes, ça change. Ça change selon les personnes parce que les vies ne sont pas les mêmes, les éducations ne sont pas les mêmes, les déceptions de la vie ne sont pas les mêmes, les études de la vie, ce qui nous a affectés intérieurement, psychologiquement. Les gens commencent à faire une forme de dérapage d'orientation sur le mariage. Donc, ils commencent à dire, écoute, le bonheur, ce n'est pas le mariage seulement, tu vois. Mm-hmm. Le bonheur, ce n'est pas... quelque part, ils ont une part de vérité. C'est une fuite en avant. Quelque part, c'est une fuite aussi. Tu vois, mm-hmm. Ils ont une part de vérité, je dirais une part. Une autre part, c'est une fuite. Parce que le bonheur dans la solitude, il est mal défini. Je suis désolé, il n'y a pas de science qui définit le bonheur dans la solitude. Mm-hmm. Ça clair. Et il y a aussi quelqu'un qui a dit que vivre, c'est appartenir. C'est appartenir, exactement. Oui, c'est appartenir. Le mariage, c'est appartenir, c'est se donner même. Mm-hmm. C'est se donner. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans sacrifice de faire le bien chez l'autre et aussi l'autre qui t'aime. Écoute, l'amour chez l'homme, quand un homme discrimine l'amour dans sa vie, c'est il se discrimine soi-même. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on observe des gens qui piquent des dépressions émotionnelles et qui te disent l'amour n'existait pas. Et tu en connais dans notre société, mm-hmm. des gens qui te disent, écoute, Béni, l'amour n'existait pas, c'est clair. Laissons chercher les choses matérielles chez les gens, les histoires d'amour, ça n'existait pas. Alors, c'est vrai que quand tu dis que nier l'amour, c'est se nier soi-même. Nier l'amour, c'est se nier soi-même. Parce que quelque part, toi, tu t'aimes, au moins. Tu mm-hmm. t'aimes toi-même. Parce que si tu dis que l'amour n'existait pas, tu te suicides, c'est clair. C'est clair. Voilà, l'émission c'est Forum Jeune. Aujourd'hui, nous sommes avec Béni Ndayishimiye, conseiller conjugal et sexologue. Nous sommes en train de débattre autour des causes de la peur pour s'engager au mariage. Une peur qui a plusieurs sources selon le sexologue. Et nous y reviendrons dans quelques instants après cette pause avec cette émission, avec cette chanson de Mehdi Slowly. My fantasy, my only desire. I could take it as an injury. Between my nascentia, she make me fall. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much, yeah. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, and so good to taste. Took you now step by step on the beat, put your night hand in the street. Encore une fois, bienvenue dans l'émission Forum Jeune. Si vous voulez nous donner votre avis dans cette émission. Vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez nous appeler au 76 083 933. C'est également le numéro WhatsApp ou 22 25 43 75 ou encore 22 24 66 02. Monsieur Benny Daishimiye, voilà, il y a ce qu'on peut trouver de bien dans le mariage, mais il y a également cette peur qui anime les jeunes. Est-ce qu'il y a moyen vraiment de s'en sortir pour qu'on puisse cheminer vers le mariage en toute certitude? Oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Je crois que cette émission va contribuer pour une thérapie généralisée, bien sûr. Voilà. D'abord, à celui qui veut. À celui qui veut. Mais il a intérêt. Il a intérêt parce qu'il en a besoin, au fond. Oui, c'est juste que la non-volonté, ça se construit, mais le cœur, c'est autre chose. Mmh. Alors, la première chose que je peux dire, le mariage, ça peut se faire bien. D'abord, le mariage se construit dans son intérieur. Mmh. Tu vois, qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je me sens fier étant mari de quelqu'une et étant un père des enfants? C'est ça. Il faut d'abord construire cet idéal en soi. Et donc, ça veut dire que je veux être un papa, un mari dans un foyer. Ça, c'est la première chose. Deux, qu'est-ce que si je vais aimer une fille pour le mariage, est-ce que je le veux? Parce qu'il y a la question de volonté. Est-ce que je veux? Voilà. Parce qu'avant de voir que j'ai le contexte matériel, c'est la volonté. Parce qu'on observe des célibataires qui ont des moyens, mais qui n'aiment pas. Mmh. Ça s'observe. Donc, ou qui n'ont pas encore fait le choix. Oui, exactement. Différent. Alors qu'il y a le matériel. Alors que d'autres, ils ont fait le choix, mais ils n'ont pas du matériel. Mmh. Alors moi, je conseille d'abord la volonté. Est-ce que je veux aimer? C'est ça. Troisième et dimension. La volonté qui doit se concrétiser comment? Comment vraiment on peut la canaliser volonté, cette volonté vers le mariage? La volonté, ça veut dire quoi? Il y a l'aspect sentimental, émotionnel, exact. Mais également, oui. Il y a l'aspect financier. Oui, exactement. Mmh. L'aspect financier n'a pas de chiffres concrets, tu vois. Mais l'aspect d'abord émotionnel, comme tu l'as dit, l'aspect volontaire, la motivation interne d'abord. Parce que la motivation, c'est de l'interne, c'est pas du matériel. Parce qu'aujourd'hui, on observe des mariages à 20-30 millions et on observe des mariages à 2-3 millions, mais tous ont fait le mariage, tous ont même statut. Donc je dirais que l'aspect de matérialisme, c'est pas la base. La base, c'est la volonté. Oui, c'est la volonté, c'est ça. Alors deux, qu'est-ce que je trois d'abord, qu'est-ce que j'attends de l'autre et qu'est-ce que je vais investir en lui, tu vois? Et qu'est-ce que j'attends d'elle, cette fille, qu'est-ce que j'attends d'elle? Parce que devenir un mari, il faut avoir une femme. Devenir un papa, il faut avoir une femme. Tu vois? Et puis, moi qui aussi. Qui a la même volonté. Qui a la même volonté, exactement. À qui vous avez la même volonté. Deux, qu'est-ce que j'investirais en lui ou en elle? Parce que aussi, aimer, c'est donner. Quand on discrimine l'aspect de donner dans l'amour, c'est fini, c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme. Voilà. Aimer, c'est donner. Même la fille donne. Tu vois? Mais donc, on donne quoi exactement? L'homme donne parce l'amour. Parce qu'il y a confusion. Il y a l'amour, il y a certains qui disent, mais l'amour, ça ne se mange pas. Donc, c'est ça. D'abord, il y a ce partage, d'abord, cet aspect de donner ce qu'il y a de l'intérieur, de l'émotion. Partager tout. Voilà. Je t'aime, tu m'aimes. Je te donne mon amour, tu me donnes le tien. C'est clair. Là, c'est l'aspect fondamental. S'il n'y a pas d'amour, tout c'est le jeu. Tu vois? Deux. Le matériel, vous mettez ensemble. La satisfaction du matériel dépend du degré de l'amour dont vous avez. Tu vois, la satisfaction du matériel ne dépend pas des gros chiffres. On observe des gens qui, la fois passée, je faisais une enquête des divorces qui s'observent à Bujumbura. Donc, j'ai trouvé que les gens qui divorcent beaucoup, ce sont des gens qui ont des moyens par rapport à des gens qui n'ont pas de moyens. Voilà. Et qu'est-ce qui s'explique finalement? Là, pour les célibataires, ça devait leur donner une indication, une leçon. Qu'aujourd'hui, plusieurs chiffres des gens qui divorcent, ce sont des gens qui ont des moyens. Encore une thèse pour confirmer que ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le matériel qui prime. C'est vrai qu'elle peut être secondaire ou tertiaire, mais la primauté, c'est quoi? C'est l'amour d'abord. Parce que la satisfaction du matériel dépendra de ce qu'on ressent derrière, de ce qu'on partage de l'émotion. Voilà, c'est autre chose qui est là. Et puis, la quatrième chose que je peux dire à des gens qui ont peur, écoute, lance-toi. C'est clair. Si tu as des problèmes d'émotionnalité, cherche quelqu'un. qui t'aident, parce qu'il n'y a pas de problème qui ne se finisse pas, surtout un problème de l'intérieur. Mmh. Il faut savoir tourner les pages. Il y a des gens qui restent toujours sur les pages anciennes, mmh, au lieu de tourner la page l'autre. Même parfois, je dis à des gens qui me consultent, il faut déchirer la page. Il faut déchirer, il faut foncer, parce que si on a été déçu, si on a eu des mauvaises conceptions dans la vie du passé, écoute, c'est du passé. Mais tu as encore le cœur, tu as encore l'amour, tu as encore la force, tu as encore la volonté, tu as encore l'aspect de vie, tu as aussi une chance du bonheur. Donc, considère ça et déchire le passé, c'est clair. Et aussi, tu peux avoir quelqu'un qui peut venir t'aider à sortir du passé. Il faut avoir cela. La solitude n'a jamais engagé quelque chose de bien. Mais il y a surtout des hommes qui disent que moi, je voudrais bien me marier, mais il y a plusieurs années que je cherche et que je n'ai pas encore trouvé. Mm-hmm. Mais au fond, tu vois que la personne n'affronte réellement aucune fille. Et du côté de la fille également, il y a ce sentiment pour les filles d'être attentiste et de dire « Moi, je suis ici, je ne vois pas un homme. » Mais tu sais qu'une fille ne doit pas approcher un homme dans l'intention de faire le mariage avec lui. Tu as un problème de demande. Mmh. Oui, ça s'entre dans le groupe des, je ne dirais pas des pathologies, mais des complications. Donc, il y a les complications de relation et il y a aussi les complications d'intégration. Pardon. Mmh. Mmh. Donc, il y a des gens qui ont un problème de relation. Ça veut dire de rencontrer quelqu'un, tu vois, de draguer, I mean. Donc, je dire... De demander la main, tu vois, de demander si tu sais, mais il y a des gens qui ont un problème de relation, de contact, tu vois. Alors, il y a d'autres qui ont un problème, ils ont fait un contact, mais qui ont des problèmes d'intégration relationnelle. Ils ne s'intègrent pas parce qu'ils se projettent chaque fois dans le passé. Ils ne s'intègrent pas. Ils lâchent facilement. Oui, ils lâchent facilement. Ils disent, écoute, cette relation me dégoûte. Tu vois, écoute, cette relation. Alors qu'il y a une cause qui est concrète, qui est là. Donc là, ça entre dans les complications de relation et aussi les troubles d'intégration. Donc, mais les thérapies, c'est différent. Parce que quelqu'un qui a un problème de rencontre, il y a tout un cheminement thérapeutique pour lui. Et aussi, des gens qui ont un problème d'intégration relationnelle, il y a aussi un cheminement thérapeutique pour eux. Ça dépend des causes, tu vois, ça dépend des causes. Et aussi, des gens qui ont la peur, tu vois, qui ont la peur, qui ont des blessures, qui ont des déceptions, qui ont des mauvaises images sur le mariage. Il y a toute une différenciation thérapeutique face à cela. Donc, je dirais que les gens, je lance un appel vibrant même, les gens qui ont vraiment un problème de s'engager dans leur vie, qu'ils consultent, qu'ils cherchent des gens à les aider, qu'ils aient des groupes, qu'ils changent des groupes, qu'il y ait des gens qui leur donnent confiance, tu vois, qui leur disent, écoute, tu es capable, qui le motive, parce que chaque fois, si on s'enfonce dans le désespoir, on creuse la mort. C'est clair. Donc, il faut accroître les centres d'intérêt. Exact. Avoir plusieurs contacts, s'intégrer dans plusieurs groupes pour... Mais aussi aujourd'hui, si j'ai la parole encore ici, je lance un appel vibrant pour les psychologues. Moi, je suis vraiment désolé. Il y a des psychologues aujourd'hui qui ne sont pas dans le domaine humanitaire, alors qu'ils ont une science humanitaire. Ça, c'est... Il y a... Bon, je sais bien, il y a la pauvreté, il faut chercher, il n'y a pas de boulot. Mais il faut créer leur propre boulot pour aider les gens. Parce que si... Parce que les Burundais, ils ont un problème de toujours chercher le travail par le biais de dépôt des CV, de dépôt des travaux. Non, les psychologues peuvent entrer ensemble, chercher un endroit, demander un endroit que on peut vous sponsoriser et faites un appel des gens qui ont des problèmes émotionnels, des gens qui ont des problèmes psychologiques. Si vous avez des gens, les fonds viendront. Les fonds viendront. Mais voir un psychologue aujourd'hui qui est dans ce kiosque qui est en ville, c'est un peu, tu vois, mais c'est la vie. On n'a pas à les condamner beaucoup, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déprime émotionnelle. Il y a beaucoup de déprime aujourd'hui au niveau de la vie des gens. Alors, je demanderai aussi à des gens qui ont des sciences humanitaires de venir aider les gens. Parce que moi, même si j'en reçois, c'est beaucoup. Ça dépasse. Voilà, c'est un peu ça. Oui, il y a un problème aussi au niveau de la psychologie. On est à mesure d'approcher un psychologue conseil, un sexologue conseil, c'est que déjà on est conscient de ce dont on souffre. Cette étape, c'est vraiment la première étape, la meilleure ou des fois la dernière, parce qu'il est rare de diagnostiquer son problème. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas un problème. Alors, pour des gens qui idéalisent, alors, tu dis bien, pour des gens qui ne disent pas que c'est un problème, alors qu'ils ont un problème, ça, c'est une forme de dépression qui est masquée. Parce que si on commence à normaliser l'anomalie, c'est ça le problème. Ça, normaliser l'anomalie, et surtout au côté psycho-émotionnel et psychosexuel, là, c'est quelqu'un qui est en danger, en même temps dangereux. Voilà, parce que là ils peuvent détruire des gens. Ils peuvent blesser les gens au niveau émotionnel. Il fait semblant qu'il aime, mais qu'il n'aime pas. Donc, je dirais que les gens qui normalisent l'anomalie, ce sont des gens à fuir. Et ça, c'est déjà aussi qu'ils devaient chercher, ça veut dire, parce qu'ils normalisent des choses qui sont vides de science. Ce sont des idées conçues de la société. Donc, je leur dirais que... À moins d'espoir, quand même, vers la fin de cette émission. Oui. Justement, que faire en définitive pour vaincre la peur afin Pour vaincre la peur, je dirais aux gens, ils sont capables. Idéalise ton futur sans toi que tu es capable et savoir ce que tu veux. Et puis, lance-toi dans une relation. Et le reste, tu donneras à Dieu. Dieu pourra bénir et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Et si tu n'es pas à mesure, approcher quelqu'un, approcher un thérapeute. Je crois que vous avez mon numéro ici. Il pourra vous demander mon numéro. Et puis, vous pouvez donner votre numéro. Pour moi. Bon, j'ai peur parfois de donner un numéro sur la radio. Mais quelqu'un passera ici, tu pourras lui donner toi. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission Forum Jeunes. Aujourd'hui, nous étions en train d'échanger autour de la peur qui gagne les jeunes pour s'engager au mariage. Merci à notre invité, Benny Ndayishimiye, conseiller conjugal et sexologue. Merci pour avoir été des nôtres dans cette émission Forum Jeunes. Merci à multiplier ces émissions thérapeutiques, je dis bien. Voilà. Merci bien à vous. Merci également à vous tous qui avez suivi cette émission Forum Jeunes. Nous vous souhaitons surtout de rester branchés sur la radio Isanganiro. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro. La mise en onde de cette émission, c'était Jean de Dieu Ndaysenga.